Document 2, page 28. 1. Bonjour mademoiselle, vous avez rendez-vous ? Oui, je suis la nouvelle standardiste. 2. Monsieur Leboeuf, vous êtes souvent en retard. Oui madame, je suis désolé. 3. Qui s'occupe du dossier Langlois ? Mademoiselle Perrault, mais elle est absente aujourd'hui. 4. Mais qu'est-ce que tu as ? Je suis en colère. Le nouveau stagiaire s'assoit toujours sur mon bureau, ça m'énerve. 5. Où est le courrier, mademoiselle Rosier ? Sur l'ordinateur, monsieur. 6. Francis, avec qui tu déjeunes quand tu travailles ? Avec mes collègues de bureau, au restaurant. Mais quelquefois le vendredi, je rentre à la maison. 7. Monsieur Marchand, vous vous souvenez de notre rendez-vous ? Oh zut ! J'ai une réunion à 10h. Vous êtes libre à 14h ?